Manifestation à Kiev, reportée par Kla TV. En Ukraine, un groupe de manifestants a trouvé un moyen inhabituel d'attirer l'attention des gens. Une marche de zombies à travers Kiev a réveillé l'esprit des passants. Ceux-ci se sont informés pour savoir ce que cette action de déguisement avait à voir avec le Covid-19. Mais faites-vous vous-même une idée en regardant par-dessus la barrière de ce qui s'est passé ce jour-là en Ukraine. Aujourd'hui, 20 mars 2021, des actions ont lieu dans le monde entier contre les mesures gouvernementales, telles que les règles de confinement, les restrictions en raison du coronavirus prétendument dangereux et toutes les fake news qui sont diffusées en rapport avec le Covid-19. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ce costume bizarre ? Ce sera une mise en scène, un théâtre de l'absurde de tout ce qui se passe actuellement en Ukraine et dans d'autres pays du monde. Nous voulons juste le souligner pour que les gens comprennent qu'ils doivent enlever ces masques et cesser d'être des zombies. Nous voulons en faire un spectacle. Des prisonniers vont marcher, des zombies vont marcher. Ça va être très intéressant. Et peut-être que de cette façon, nous allons toucher quelqu'un et que les gens vont commencer à se réveiller et à voir ce qui se passe autour d'eux. Pourquoi le théâtre de l'absurde ? Eh bien, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que nos droits sont violés. On nous fait plier de plus en plus bas. On nous bâillonne avec des masques. Toutes sortes de droits sont supprimés. Ils veulent mettre les gens à genoux, les humilier économiquement. Et il faut arrêter cette bande de, disons, de tireurs de ficelles qui se croient tellement supérieurs et veulent humilier le reste de l'humanité. Nous devons leur mettre des limites et nous devons ouvrir les yeux des gens pour qu'ils puissent voir ce qui se passe autour d'eux. Et qui fait partie de ce genre d'hommes de pouvoir ? Eh bien, je pense que ce sont les mondialistes et notre gouvernement fantoche, ainsi que le maire Klitschko lui-même. Ils suivent également les ordres des criminels sur commande. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont aussi vendu leur conscience pour des billets verts, ou peut-être qu'ils croient vraiment eux-mêmes à tout le cinéma du Covid. Mais au fond, je ne pense pas qu'ils soient si stupides et qu'ils croient à toute cette absurdité qui se passe. Nous devons donc montrer que nous sommes des êtres humains et non un troupeau de moutons, que nous ne devons pas être traités comme des animaux. Merci pour cette réponse claire. Bonjour, qu'est-ce que vous portez comme costume ? C'est un costume de zombie qui montre clairement l'état de notre société. Aujourd'hui, les gens sont assis devant la télé, ils écoutent ce qu'on leur dit et ils ne voient pas la vérité de ce qui se passe dans le monde. Les gens sont convertis en zombies, certaines informations leur sont imposées petit à petit. Je pense que c'est pour abrutir l'humanité. Malheureusement, il y a très peu d'informations véridiques et nous les recueillons littéralement au compte-gouttes, là où nous les trouvons sur Internet. Merci à nos dirigeants qui nous ont montré ce qui se passe, pas seulement en Ukraine. Si nous avons lutté jusqu'à présent contre les problèmes en Ukraine, nous avons réalisé qu'il s'agit d'une pandémie aux dimensions mondiales. Et si j'ai une conscience et si Dieu merci, je comprends, alors il est de mon devoir de sortir et de partager avec les gens autant que possible. Je mets ce masque aujourd'hui. Je ne l'ai pas mis de toute l'année depuis que la pandémie ou la plandémie a été déclarée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le mettre dans un seul but, pour que mes amis, mes connaissances, mes parents, mes proches, les personnes que je connais, que j'aime, que je chéris puissent enlever ces masques que ce pouvoir mondial leur a imposé, pour qu'ils comprennent que nous sommes en train d'être détruits, pour qu'ils comprennent qu'il y a un génocide contre l'humanité. Et chaque personne qui se rend compte de cela doit réveiller quelqu'un certainement. Pourquoi dites-vous qu'il s'agit d'une pandémie et non d'une pandémie ? Je vais dire ceci. En un an de cette pandémie, toute personne qui réfléchit, qui a une conscience, l'a découvert depuis longtemps. En général, nous informons et disons maintenant ce que les gens savent déjà, parce que cela a été planifié il y a très longtemps, il y a de nombreuses années. Et pour des informations plus détaillées, regardez sur YouTube, Facebook, Telegram et les chaînes de lanceurs d'alerte indépendants. Alors, j'ai réalisé que tout était planifié. C'est donc une plandémie. J'ai quelques connaissances sur la vaccination. Je travaille avec des enfants autistes. Je sais personnellement ce que les vaccins font aux enfants, aux personnes, et où cela va nous mener. Et la dimension que cela prend maintenant dans le monde, avec laquelle les injections génétiquement modifiées sont données aux gens, eh bien, c'est vraiment planifié, c'est pourquoi on l'appelle plandémie. Merci beaucoup. Vous venez de faire une conférence, je suppose que vous êtes médecin. Je suis docteur en médecine, professeur, neurochirurgien, oncologue. Que pensez-vous de la situation générale de Covid en Ukraine? Pouvez-vous nous faire une brève analyse? J'ai déjà dit que c'est une absurdité totale. Il n'y a pas de pandémie en Ukraine. Il n'y a pas d'épidémie. De même, en ce qui concerne le coronavirus, les autorités ukrainiennes, le ministère ukrainien de la Santé ne peuvent pas me montrer un seul patient qui soit mort du Covid. Je veux qu'ils me montrent un patient qui est mort des complications du Covid. Ils ne peuvent pas en montrer. Non, ils ne peuvent pas. Alors, sur quoi sont basées les statistiques? Les statistiques sont manipulées. Dans les informations qui émanent de l'OMS, Bill Gates, par exemple, en tant que plus gros donateur, y est impliqué. Donc tout ce qui est nécessaire pour légitimer la pandémie est manipulé. Oui, les médias rapportent et affirment qu'en Transcarpathie, en Irshava, 2500 personnes sont couchées dans les couloirs, etc. Mais où sont-ils? On y allait et il s'est avéré qu'il n'y avait personne. Et maintenant à Kiev, ils prétendent qu'il y ait beaucoup de cas de maladie du Covid. Vous voyez les cas? Oui, il peut y en avoir. C'est une grippe saisonnière normale. Cela se produit en novembre et en mars-avril. Maintenant, si 15 000 personnes devaient mourir en un jour, comme nous le dit M. Klitschko, et si vous pensez qu'il s'agit vraiment d'une pandémie, si c'était vrai, Alors déjà en 3 jours, il n'y aurait plus personne, non seulement à Kiev, mais dans toute l'Ukraine. Vous comprenez? On fait juste peur aux gens et on les enferme avec tous ces confinements, la police, etc. pour introduire leur pseudo-vaccination. Vous voyez, je suis contre les vaccins et je le resterai. Mes enfants ne sont pas vaccinés. On va où on veut, on joue où on veut, on ne tombe pas malade. Le vaccin n'est pas sans danger pour l'humanité. Qu'en est-il du vaccin russe Sputnik V? Oui, ils ont pris l'adénovirus et la protéine C du coronavirus et ils les ont combinés biotechnologiquement pour créer un nouveau virus artificiel. Ce n'est plus un vaccin. Lorsque les virus se combinent, quelque chose de nouveau est créé. Un nouveau virus. Il est injecté à une personne et celle-ci devient le porteur de ce nouveau virus. Je l'ai dit, et là je le répète. En 1960, il y avait alors le SV40. C'est le génome du chimpanzé. 15 millions de personnes sont mortes de la polio. On nous fait croire que le vaccin va prévenir la maladie. L'utilisait-il pour prévenir la tuberculose? Il n'y avait plus de tuberculose. Effectivement, une personne sur 2 ou 3 en Ukraine a la tuberculose. Un médecin hongrois a témoigné qu'après la vaccination, l'autisme, la paralysie cérébrale et d'autres maladies neurologiques ont fait leur apparition. Vous voulez savoir ce qui cause le cancer? L'autisme, le diabète, l'obésité sévère, les maladies neuropsychiatriques? Tout vient du vaccin. 99,9% des maladies sont dues au vaccin. Que peut faire chacun d'entre nous pour arrêter ce qui se passe maintenant? Qu'en pensez-vous? Je ne me fais pas vacciner. Et vous, ne vous faites pas vacciner. Si vous voyez qu'une personne a été vaccinée, éloignez-vous d'elle d'1,50 m. Pourquoi? Comme une personne respire, vous comprenez, il y a beaucoup de germes dans la pièce et l'oxygène en tue beaucoup à lui seul, laissant quelques restes pour que le système immunitaire puisse travailler. Ainsi, on est vacciné et ça se connecte avec ses infections. Et il y a une bataille sans règles qui s'installe. Et dans ce combat, il est clair qui gagne si le système immunitaire forme des mécanismes de défense. Et ce qui arrive à la personne vaccinée après cela, et de quoi une personne est tombée malade, tout cela sera visible pour tous. Merci. C'était l'opinion d'un scientifique et d'un médecin. Chers téléspectateurs, la manifestation à Kiev d'aujourd'hui touche lentement à sa fin. Il y a eu de nombreux rapports intéressants, un beau temps, une bonne ambiance, et plusieurs milliers de personnes étaient réunies ici. Et nous espérons que cette action contribuera un peu à réveiller les gens, et pas seulement dans notre propre pays. Restez avec nous sur CLA TV.